Et l'apprentissage de l'harmonica au niveau... Parce que c'est, en fait, c'est assez difficile à apprendre, donc ne serait-ce que pour trouver un professeur, comment tu fais? Bon, de toute façon, il y a deux types d'harmonica. Il y a les tout petits harmonicas diatoniques. Bon, celui que je joue, moi, c'est un harmonica chromatique. Il y a une tirette, donc c'est un petit peu plus grand à peine. Bon, maintenant, au niveau apprentissage, c'est vrai que le diatonique, on trouve pas mal de profs pour ça. Le chromatique, c'est quand même plus rare. C'est un instrument à part entière, hein, qui s'apprend comme tous les autres instruments. Donc, c'est apprentissage musical et technique. C'est un peu différent du diatonique pour ça. Le diatonique, on peut avoir une approche intuitive. Le chromatique, on peut avoir une approche du chromatique comme si on jouait un diatonique, mais à ce moment-là, on utilise très peu la tirette, en fait. D'accord. Ça reviendrait à jouer de la trompette sans utiliser les pistons. On va faire du clairon, quoi. Voilà, quelque ça. Ouais. Et donc, toi, tu as une formation qui s'appelle au balajo, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est le Clacos Trio au balajo. Alors, balajo qui vient d'un nom d'un morceau de Joe Privat. Qui s'appelle le balajo et en quelque sorte qui synthétisait bien toute une période de valse jazz, un peu dans l'esprit de la gaieté parisienne. Simplement, dans notre répertoire, on a des valses jazz. Bon, pas que ça, on a aussi du latin jazz, mais le haut balajo, bon, on reprenait un peu l'idée d'une dominante, on va dire, d'une tonalité. Valse jazz typique de ce qu'on a tant auprès de Marcel Ozzola que de Richard Galliano, mais on a aussi des thèmes de Gus Wieser, Tony Murena, mais remis au goût du jour d'ailleurs. Hein, on a un percussionniste excellent, un guitariste pareil. Donc ça reste moderne, c'est pas de la valse à grand-père. J'ai rien contre les grands-pères, d'ailleurs il y a beaucoup de grands-pères qui viennent nous écouter. Bon, un peu tous les âges, ça plaît à tout le monde. Ah, mais c'est bien ça. Enfin, en plus, je veux dire, vous les faites quand même évoluer les morceaux, parce qu'au final, je voyais un peu. Quand on écoute, par exemple, la valse du japonais dont j'ai oublié le nom. Shijiro. Ouais, on va dire ça, voilà, c'est plus. Umebayashi. En fait, c'est une valse lente qui est tirée du film In the Mood for Love. Donc, c'est une valse récurrente dans tout le film, magnifique. Alors on a repiqué ça à la note, les accords, et on l'a adapté, et on le joue systématiquement dans tous nos concerts. Et bon, c'est le thème joué sans improvisation, donc pour les puristes qui diront c'est pas du jazz, c'est quand même de la... ça sonne jazz tel qu'on le joue, et c'est lent, on pourrait croire que les valses lentes ne plaisent pas forcément à l'époque d'aujourd'hui, où on aime le rythme, et en fait c'est faux, non, ça, elle plaît énormément, et elle est très expressive, très jolie. Pardon, excuse-moi, j'étais parti, parce qu'en plus j'ai le retour, hein, tu sais, le petit Bach, hein, parce que oui, j'ai oublié de préciser qu'on est en train de... On venait d'entendre la suite de Bach, la suite numéro 5, et donc c'est ça qu'il y avait en arrière-son. Donc je vais proposer qu'on écoute un premier morceau, pour voir un peu l'harmonica tout seul, ce que ça donne déjà. Donc, c'est la Fantaisie 10 de Telemann, qui est écrit pour flûte. Et voilà, donc je joue l'harmonica par Thierry tout seul. Thank you. Voilà, donc c'était la Fantasy 10 de Téléman. Il y a un petit souci hein, au niveau de la, au niveau de la technique, a priori. Donc c'était un morceau pour flûte que tu as repris, toi, uniquement à l'harmonica. Oui, tout à fait. Alors, c'est des morceaux qui sont des morceaux clés dans la musique classique. Bon, c'est pas des morceaux... bon, c'est Téléman, hein, c'est pas de la musique d'aujourd'hui. C'est un bon challenge de faire ça à l'harmonica. Et en même temps, ça peut montrer le bon, non seulement le côté expressif de l'instrument, mais le côté technique. C'est un instrument qui peut reprendre, oui, des morceaux de musique classique. Bon, sans aller aussi loin peut-être que dans les morceaux les plus virtuoses d'une flûte traversière. D'ailleurs, tu joues aussi de la flûte traversière. On pourrait le préciser, tu joues très bien de la flûte traversière aussi. Donc oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc après, parce que je me perds dans mes idées, moi, à la fin, vous savez. Donc après, toi, donc tu as commencé l'harmonica, donc tu as voulu t'as joué, t'as enregistré un petit peu, et après t'es arrivé en Ariège et t'as commencé à jouer avec Daniel qui est ici. Alors on s'est trouvé avec Daniel Comanet, qui a une longue expérience de la guitare, qui nous fait des lignes basses et des accords en même temps, un virtuose. Donc grâce à lui, on économise un bassiste. Exactement, pour les cachets aussi, c'est donc, important. Mais c'est, faut le dire. C'est toujours ça de brille. Hein. Et alors, comment tu as réussi à le traîner dans ton milieu de valse? Parce qu'au final, tu ne jouais pas forcément des valses jazz, toi. Si, en fait, moi j'ai fait du bal, donc j'ai fait pas mal de valses dans le contexte du bal. Et après, j'ai demandé à Thierry, on pourrait peut-être faire... quelques valses, mais jazz. Et mm-hmm. C'est parti un petit peu de là, quoi. C'est, ouais, donc, ouais, vous avez fait un croisé de ce que tu faisais avant, mais de ce que toi tu faisais aussi. Alors, dans le... c'est vrai que dans l'idée de mettre des valses jazz, bon, on s'est dit, bon, au départ, bon, tiens, on va prendre des valses qui swingent pas mal. Tiens, alors on a pris des valses de Richard Galliano. Et puis ensuite, on a, à l'occasion du festival de jazz de Foix, on avait rencontré le Marcel Azola qui nous a gracieusement fait parvenir ces quelques morceaux. En l'occurrence, Une rue de Chine qui est une mazurka. On a Interrogation qui est une valse de Marcel Azola. Et puis tout en cherchant, petit à petit, on s'est orienté vers Privat, comme je disais au départ. Et puis, ma foi, on s'est dit pourquoi on ne mettrait pas aussi une valse de Chopin. Alors finalement, on en a mis 4 au programme. D'accord. Ouais. Attends. Donc, tu en as mis 4 au programme. Vas-y, continue. Donc, 4 valses de Chopin au programme. Et puis, tant qu'on y était, bon, on a trouvé cette valse de Yumeji, là, de Shigeru Mebayashi, ce japonais. Bon, voilà. Alors, bon, pour patcher le répertoire... On n'a pas fait que de la valse, hein, évidemment. Hein. Donc c'est là qu'est intervenu d'ailleurs Christian à la percussion. Donc dans tout ce qui est répertoire latin jazz, bon, il amène une couleur peut-être plus festive, plus ensoleillée. Avec ce percussionniste aux multiples talents, qui parfois on se demande s'il ne nous fait pas un peu comme dans les films, là, les bruitages. Les bruitages, ouais, c'est une espèce de bruiteur musicien. D'ailleurs, il ne faut pas trop le regarder quand on joue, parce qu'avec tous ces ustensiles bizarroïdes. Alors, donc, grâce à lui, on peut se faire aussi bien des morceaux de latino que des valses, mais alors. Jouer avec du djembé, avec de la percu comme ça, c'est quand même assez rare. Hein. Maintenant, peut-être Christian, tu avais quelque chose sur la tradition africaine pour les rythmes 6-4. Eh bien oui, enfin, disons que moi, bon, Christian, le percussionniste, bien humblement, je suis parti un petit peu en Afrique, j'ai un peu exploré la musique mandingue, ce qu'on appelle. Qui comprend la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, donc c'est l'Ouest, toute région, c'est l'Afrique de l'Ouest, voilà, exactement. Mais on ne compte pas le Sénégal dedans. Le Sénégal ne fait pas partie de la culture mandingue. Ou donc, bon voilà, j'ai exploré un peu cette musique africaine. J'y suis resté quelques temps là-bas. J'ai travaillé avec des bons percussionnistes. Et évidemment, des percussionnistes qui jouaient au ballet national du Mali, donc à Bamako. D'accord. Et puis, donc voilà, je suis revenu en France, j'ai un peu retravaillé tout ce que j'avais appris là-bas. Et puis, bon. Mais bon, au départ, je suis batteur, quoi. Au départ, ouais. Je joue de la batterie, au départ. Hein. Mais très, très vite, j'ai plongé dans le monde de la percussion parce que c'est un monde vraiment où il y a beaucoup de choses à faire. Parce que la percussion, ça veut dire des centaines d'instruments différents. La percussion, c'est dans tous les pays, tout dans toutes les cultures. Voilà. Et tout peut devenir un instrument. Vous prenez une casserole, une poêle, tout peut devenir un instrument. Tout sonne, en fait. D'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais trouvé un super set de casseroles qui sonnait bien, le jour où on en avait parlé. Ah oui, ben, disons comme que ça, ça m'est arrivé, par exemple, autour d'un repas convivial, ou en train même de faire la cuisine, entre... entre amis, bon, on ne peut pas toujours passer le temps à remuer ce qu'il y a dans les gamelles. Bon, on prend une fourchette, un couteau et puis on tape sur les couvercles. Et... Oui, voilà, mais ça sonne, quoi. Je veux dire, on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Oui. Enfin, tout ça pour en venir donc au fait que toi, tu es batteur, tu as intégré le groupe. Au final, tu as amené pas mal de couleurs supplémentaires. Un petit peps en plus peut-être avec la percu. Mais qu'est-ce que tu joues toi exactement? Qu'est-ce que tu proposes comme instrument dans la formation? Disons que dans la formation, au départ, mais disons que je suis un peu à l'écoute de ce que Daniel et Thierry, bon, ce qu'ils voulaient faire, donner une certaine couleur dans la musique. Quoi. Donc je joue avec une paire de timbales, donc des timbales cubaines, agrémentées donc de cloches, de woodblocks. Je mets deux pieds de cymbales, deux cymbales différentes pour accompagner ces timbales, mais également j'ai toute une panoplie d'instruments de percussion, on va dire dans la tradition cubaine. Donc il y a le guiro, les claves, le triangle, le tchékéré, je dois avoir des maracas. Et puis je combine tout ça en fait, quoi. Je combine tout ça, plus d'un vibraslap, un vibratone, un flexatone, voilà. Bon, donc avec tous ces instruments bon, qui peuvent paraître un peu inconnus pour les novices, mais la plupart de percussionnistes savent ce que c'est, quoi. Maintenant, sur l'exécution des morceaux de valse, par exemple, c'est vrai qu'on s'éloigne, grâce à ton approche africaine, on s'éloigne du 3-4 traditionnel, tchim-pom-pom, tchim-pom-pom, là, la valse, parce qu'on rentre dans des espèces de grandes boucles, comment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ce qui donne plus d'élan, plus oui, de swing, mais voilà. Ça, c'est vraiment l'héritage africain, en fait, qui rentre dans cette valse. Oui, oui, parce que c'est vrai que quand on commence à... Si une valse, au lieu de la penser 3, 4, on la pense 6, 8, donc elle a un développement plus swing, quoi, forcément, et avec une consonance plus africaine, oui. Tu fais une approche à la fois d'Afrique et de Cuba ? Je comprends pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Enfin, disons que je me sers des instruments de percussion au sein de cette musique, au sein du groupe dans lequel je joue, où je vais mêler, bien sûr, pour certains morceaux, ça va sonner plus cubain, ou ça va sonner plus afro. Voilà quoi. Après, on donne une couleur particulière à un morceau en amenant une rythmique bien précise. Et mais c'est bien justement de faire ce mélange-là. Oui. Mm-hmm. Après, ce n'est pas particulier à la valse, quoi. Comme le disait très bien Thierry tout à l'heure, nous ne faisons pas que des valses. Nous avons des morceaux qui sont plus latinos. Et pour Cuba, comment c'est venu? Tu viens de Cuba ou tu as... Non, malheureusement, je ne suis pas né là-bas. J'aurais bien aimé, d'ailleurs. Mais... voilà, non, mais c'est surtout que je m'y suis intéressé. Donc forcément, voilà, j'ai plongé dans ces rythmes-là, je les ai appris. Enfin, j'y travaille toujours, d'ailleurs. On n'est jamais au bout de sa peine, d'ailleurs. Mais je vais vous proposer, avant de continuer, d'écouter un autre morceau, parce que là, on a un gros programme musical ce soir, quand même. Donc on va écouter la Rabouine. Thank you. c'était la rabouine de Luis Ferrari. Voilà, Ferrari, pas Ferrari de ni Luis Ferrari, voilà, sans l'accordéoniste. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je sais pas. Donc, tu voilà. Parles beaucoup aujourd'hui. Ouais. Ça me perturbe. Donc j'en étais où ? Oui, donc on est arrivé à toi. On va peut-être parler un peu de Daniel quand même. Quand même, quand même. T'as pas grand-chose à dire. D'ailleurs, tu peux rapprocher le micro pour parler. Daniel, Daniel aime les. Daniel aime les andouillettes du crampel. Ah ouais, alors ça. Andouillettes du crampel. Le crampel. Bah vas-y, passe ton message vite fait, parce que tu parles du crampel. Le crampel, c'est là où on joue une fois par mois, et d'ailleurs, on fait un coucou à toute l'équipe. Et s'ils sont là, un grand olé dans le. Un grand olé dans le restaurant. On y joue quand, Thierry, déjà ? Le 22. Oui, les dates. Alors, nous y sommes le 22 novembre, donc 22 de ce mois-ci, oui. Bon. Je pense que je ne viendrai pas vous voir. Mais... Et c'est où, à Toulouse ? Parce que quand même... Avenue Crumble. Ah non, je conseille c'est à tout le monde d'aller les voir. Le Crumble des Demoiselles, je crois. Quel numéro ? Non, c'est le Crumple, Avenue Crumble. C'est quel sens ? D'accord. Parce que lui, c'est les Crumble. Parce moi, je suis de l'arrière. Pour moi, il y a toujours une consonance alimentaire. En fait, d'accord. C'est toujours des allusions. Alors, en plus d'être un harmoniciste et un flûtiste de haut rang, tu composes aussi un petit peu des morceaux, toi. Un peu. Composé. Alors, c'est vrai que bon, la vie de musicien est ce qu'elle est. Bon, il y a des hauts débats, comme pour tout le monde. Alors, je me suis dit un jour, mais comment voit-on la vie quand on est musicien ? Il faudrait bien que les gens le comprennent. Alors, j'ai écrit « Como me gusta la vida ». Comment je la goûte, la vie ? Alors, ça, c'est un morceau, c'est une samba. Oui, c'est plutôt une samba. Oui. C'est une samba et c'est le soleil, les vacances. Alors, si tout le monde croit que les musiciens vivent en vacances toute leur vie, tant mieux. Même si c'est pas vrai, mais au moins qu'on le croit et que ça reste comme ça. Bah ouais. Mais bon, donc c'est un morceau qui a été écrit, donc, par contre, pour l'harmonica, voilà, vraiment. Vraiment ouais. Par un harmoniciste et pour l'harmonica. Voilà. Et pour, en plus, pour, finalement... pour la formation que tu as au final, parce que ouais tout c'est à écrit fait, sur ouais. Mesure quoi. Ouais, écrit sur mesure pour le trio quasiment, voilà. Bah, du coup je vais bon, en fait on va le passer maintenant. Allez, comme ça c'est parti. Puisqu'on est bien parti dessus. Thank you. donc ça c'était Como me la gusta vida. Como me gusta la vida. Como me. Ah, je l'ai pas dit le me. Ah, comme disait la demoiselle, c'est pas comment je goûte la vie, la traduction exacte, c'est comment. Comment j'aime la vie, comment la vie me plaît. Ouais, super traductrice aujourd'hui. Ah, bah, les bilingues, attends, c'est normal. Enfin, pour les auditeurs, il y a une ambiance très jeune ici, hein, c'est extra. Et ouais. C'est la classe. Ouais, très jeune. On se demande d'ailleurs, parce que c'est assez curieux. Alors, donc, mais oui, bah, donc ça c'était une composition de toi en fait, parce que je me le remettais. T'en as d'autres comme ça, des compositions ou pas? Bon, on a fait un blues qui est passé, sur d'autres radios, qu'on appelait le New Old Blues, un blues avec flûte traversière, harmonica. Un autre blues que j'avais écrit, qui s'appelle Silent Cell. Une espèce de blues 6-4. Bon, harmonica toujours. Mais tout ça, ben, il faudra venir en concert pour les écouter. On va pas tout passer ce soir. Ouais. On va venir. On va laisser un peu de suspense. Ouais, ouais. Bah, de toute façon. Oui. Alors, je dis parce que j'ai un retour qui m'est arrivé dans l'oreille. De toute façon, toi, tu as un site internet qui est d'ailleurs très bien fait, puisqu'il a été refait, là, le site internet de Clacos. Voilà, alors pour aller sur le site, on fait www.harmonicachromatique.com ou alors en passant par Google, vous faites l'harmonica de Clacos et on tombe sur ce site. Voilà, harmonicachromatique.com, harmonicachromatique.com. On mettra le lien sur indiesis.com. Bon, de toute façon, oui, on peut déjà y aller depuis Indiesis. Ouais, donc il y a pas mal de choses déjà. Il y a des photos. On a fait un petit hommage photo aussi à un ami pianiste qui nous a quittés il y a quelques temps, Siegfried Kessler. Bon, il y a pas mal de trucs. Bon, on essaie de faire un site un peu hétéroclite. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de morceaux à l'écoute. Oui, voilà. Ouais, ouais. Au moins, vous pouvez les pomper d'ailleurs. C'est fait pour. Ah ouais. Ouais, ouais, allez-y, c'est pas. On diffuse la musique de toute façon entre les concerts, le site. Bon, après, il n'y a pas de problème, ça nous fait plaisir aussi. Et donc, oui. Putain, il rigole tout le temps, oui. C'est moche. Donc, je disais. Ah ben, je sais plus. Donc, on va reparler maintenant un peu de l'élargissement de ton répertoire. Donc, toi, tu fais là-bas, valse, jazz, on a dit. Après, vous êtes parti sur Bossa un peu. Alors voilà, donc alors dans notre programme, on a du Latino Jazz tel qu'on vient de l'écouter, et on a quelques thèmes de Bossa Nova. On a d'ailleurs fait quelques enregistrements en l'hommage de Carlos Jobim, qui est d'ailleurs, ces enregistrements restent un tube, parce que qu'est-ce qu'on en a diffusé, c'est incroyable. Hein, c'est, ouais. Jobim plaît toujours autant. Maintenant, à l'harmonica, c'est une première, peut-être. Jobim, c'est No More Blues. Par exemple. Ah bah, ça tombe bien, c'est un morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Mais je vois qu'on approche de la nuit. Il serait... Vous pourriez peut-être nous faire un petit... Un petit plaisir musical, hein, je parle. En prenant vos instruments de musique. De préciser, allez, on peut essayer. Allez. Ah. On va vous faire quelques notes sur Perle, de Richard Galliano. Quelques notes, fais pas le radin, tu nous en fais plein des notes. Donc Perle de Galliano, tu dis. Ouais, Perle de Galliano. Ok. Qui nous passe sur la tête. Il y a les milliers de fans derrière la vitre, hein, qu'on peut voir. Ah bah allez. Alors ça s'appelait, tu m'as dit, pardon. Bon, c'est Perle, voilà, Perle. C'est Perle. Bon, sur une idée de Perle, hein, parce que si Richard Galliano écoute ça, il dira, mon Dieu, mais comment ils ont massacré mon joli morceau. Ouais, gros. Ça va, il va quand même pas vous embêter. Alors, donc, on disait, donc tu fais des beaux sassés. Et je sais que t'as fait des, comment dire, des sortes d'expérimentations, en fait, musicales, plus ou moins. Avec alors, d'autres instrumentistes. Voilà, on a, il y a un moment, on faisait des avec un ami là qui est au Boïs, là, bon, qui a déménagé, il est sur l'Ardèche. Donc des espèces d'improvisations. Bon, c'est pas vraiment du free jazz en fait. C'est on part sur une énergie et on se laisse prendre dans le jeu de cette énergie et on va construire un dialogue de cette façon. Donc il n'y a pas de trame harmonique. Et c'est vrai qu'au fil des mois, bon, alors au début c'était vraiment anarchique, on ne se connaît pas. Et au fil des mois, on arrive à construire un discours logique. C'est vraiment une discussion, pas du tout à bâton rompu. Ça construit vraiment un peu comme une peinture expressionniste. Voilà, c'est sonore. Bon, Jouer au feeling, quoi, en fait. C'est à force, ouais, en quelque sorte, voilà. Mais c'est vraiment, ça demande d'être une mise en phase avec le moment présent et essayer de garder une constante dans ce que l'on joue. Ça crée une cohérence au final, en fait. C'est peut-être un moyen de composer sur le vif, pourquoi pas. Bon, comme par exemple, là, on est sur le... Bon, on est en studio, bon, avec l'énergie du studio, c'est plutôt côté... on est pris un peu par la technique, bon, c'est vrai que la concentration n'est pas là forcément. bon. Donc c'est des improvisations qu'on va plutôt faire on va choisir les endroits. Hein. Bon, on a fait ces expérimentations-là dans des grottes en Ariège, bon, on peut le faire aussi chez soi, mais... Bon, ça demande une concentration bien particulière, ça, oui. Mais oui, parce qu'en fait, même quand tu vas... On traduira l'énergie que l'on a spontanément. Voilà. Donc aussi bien on ferait ces improvisations-là en pleine ville, avec des voitures autour, ça donnera, oui, ça traduira l'énergie environnante, oui. Parce que tu recherches une ambiance au final, pour poser en fait une ambiance en guise de gris, si on veut, quelque part. Parce que quand tu vas dans une grotte, t'as quand même une ambiance vachement particulière. Dire ça résonne, il fait noir, il fait pas forcément très chaud. Donc tu joues quand même dans un esprit, c'est sûr que si tu vas en ville, tu auras un autre esprit. Ben moi je pense à une phrase. Un artiste c'est un scribe. C'est pas forcément à mon idée, hein, après bon, chacun. C'est pas forcément un inventeur. C'est un scribe, dans le sens où il va noter ce qu'il reçoit, ce qu'il perçoit. Et je pense que cette démarche musicale, peut-être des gens diront, enfin c'est controversé, c'est vrai, on va dire, bon, y a des gens qui perçoivent la musique uniquement par partition, quelque chose de réfléchi. Bon, le jazz déjà c'est un peu spécial, bon, on joue sur des grilles, beaucoup de gens disent que c'est pas de la musique, hein. Bon, bah là on part encore plus loin, le free jazz a donné d'autres choses, bon, on est arrivé au bout de peut-être de cette démarche. Oui, pourquoi pas, mais malgré tout, non, moi je me vois bien, oui, dans le rôle de scribe, oui, scribe musical avec un harmonica en bouche, tout à fait, oui. Un batteur derrière, enfin percussionniste. Bah, c'est une attitude assez libre, hein, finalement, hein, elle n'est pas encodée, hein, du tout, bon, si ce n'est que les notes que l'on émet, mais c'est une démarche, oui, de pleine liberté. Et vous avez fait ça un peu tous les trois déjà ou pas encore? Ben, en pleine improvisation, on pourrait le faire, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas trop, non, c'est pas trop ce qu'on fait dans le trio, non, c'est vrai. Ce qu'on fait dans le trio, il y a quand même une trame harmonique et rythmique. Bon, maintenant, il faut voir que le programme, bon, il faut qu'il soit vendu. Hein. La musique purement improvisée, ça correspond encore à notre public. Ouais. Non, mais il y a des parts... enfin, sur une trame déjà écrite, il y a par exemple des moments où moi par exemple je sur un morceau d'ailleurs sur la valse japonaise là, là je trouve que je peux être complètement libre dedans quoi, je veux dire, je la joue jamais de la même manière quoi, puisque je vais intervenir avec plein d'instruments différents à des moments bien précis, ça sera au moment vraiment où ce n'est que sensitif en fait. Enfin, pour moi, hein, ouais. Personnellement, dans ce morceau-là, ça se passe comme ça. Pour moi, c'est toujours improvisé dans ce morceau, je dis bien. Dans ce morceau. Voilà. Ah, mais le résultat d'ailleurs est pas mal parce qu'on va l'écouter d'ici quelques secondes. Hein, Et c'est vrai que, en fait, quand on écoute cet enregistrement, on a l'impression d'ailleurs qu'il y a un orchestre symphonique parce qu'il y a quand même Daniel qui fait des pizzas à la guitare. On a l'impression qu'il y a plein de violonistes qui sont pizzicato. Pizzicati. Toi derrière, tu fais quasiment des jeux de cymbales, pardon, on a l'impression que tu as des timbales, pardon, on a l'impression que tu as des grosses timbales comme ça, alors qu'en fait, pas du tout, c'est des tomes normaux. Et le thème à l'harmonica dessus, hein. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un orchestre et un soliste sur ce morceau. Un orchestre à trois, c'est bien, hein. Ouais. Ouais, mais là, tu as vraiment une impression de masse, quoi, je veux dire. Bah, d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, comme ça, on va pouvoir se rendre compte directement. Nous revoici après la valse donc de Yumeji. Merci. Je suis pas très fort en japonais en fait. De Shigeru Umebayashi. Après un long voyage en Japon, nous avons ramené cette petite valse. Donc, je disais tout à l'heure que tu avais donc expérimenté des duos un peu insolites, donc notamment avec un oboïste dans une grotte ariégeoise. Tout à fait, oui. Alors, je propose qu'on, bah d'ailleurs qu'on la place maintenant, parce qu'après vous allez nous refaire un petit morceau, je crois. Ok. Donc on va l'écouter tout de suite. Donc c'est parti. Le nom du oboïste, s'il te plaît. Alors c'est Francis Girard. Francis Girard. D'accord. Voilà, avec lequel d'ailleurs on avait fait un morceau qui s'appelait Hérétique, qu'on avait joué au Jazz à Foix et qui avait littéralement allumé le feu. Alors c'était vraiment une espèce d'impro très free. On a des extraits d'ailleurs de ce morceau sur le site internet, et qui est à la base en fait une improvisation que l'on avait jouée ensemble. Juste dans 30 secondes, tant que ton morceau se finit. Voilà, c'était donc une improvisation harmonica au bois par Thierry et ton collègue. Mais pas harmonica dans les bois, hein, faut pas se tromper. Oh, quel jeu de mots. Harmonica au bois, mais c'est... Ouais, ça vient vite ce soir. Donc tu nous parlais juste avant d'un morceau que tu avais fait, qui avait mis le feu, qui s'appelle Hérétique. Hein. Oui, voilà, donc ça c'est un morceau qui démarre sur des accords à l'harmonica assez dissonants. Donc il y a un thème récurrent qui est pris par le hautbois, et petit à petit on glisse dans l'improvisation tout en conservant cette idée de base. Voilà. Donc alors ça donne vraiment ça a ouvert les portes, enfin du moins quand on avait joué au Jazz à Foix, ça a ouvert les portes à toutes sortes d'improvisations, mais alors ça a vraiment mis le feu. Là ça a plu aux musiciens, ils se sont lâchés. Ouf. D'ailleurs, ce morceau est en écoute sur ton site. Voilà, bon, maintenant, il faut voir que tout ce qu'on entend, presque tout ce qu'on entend, comme Migo Salavida, la vase du Yumeji, cette impro, harmonica au bois, ce sont des morceaux en prise live. C'est-à-dire, il n'y a pas de remix. C'est l'état brut. Quoi. Voilà, c'est à l'état brut. On ne trafique pas les notes avec les machines électroniques. Hein, ça ne s'est pas passé dans l'ordinateur. Quoi. Donc, c'est pas plus mal, en fait. Ça donne donne l'ambiance de la salle aussi, hein, du lieu, parce que c'était enregistré en live. Donc. Alors, avant de nous quitter, momentanément du moins, vous allez nous refaire un petit morceau, si vous voulez bien. Je sais pas si vous... Comme vous le sentez. Vous allez nous faire quoi comme petit morceau? On va faire un Blue Bossa. Blue Bossa, d'accord. Connu, archi connu. Ouais. Je vais faire les chœurs derrière. Thank you. féliciter les musiciens. Donc c'était Blue Bossa. Bravo. Donc on va maintenant d'abord vous remercier rapidement de... Non, nous on vous remercie d'être venu. On vous remercie aussi de nous accueillir, c'est très gentil. Ambiance très jeune ici, c'est, ah oui, ça, c'est super, faut que ça continue. C'est très motivant. Et on va poursuivre. Avec les bons plans du net de Marie, voilà. Comme tous les 15 jours. Ça vient. Alors ce soir, je vais vous parler de trois bons plans. Ouais. Je vais vous parler de Graffiti, de Malpoli et de Toulouse 2013. Donc pour commencer, je vais vous parler de Graffiti. Alors je pense que vous avez déjà vu au détour d'une rue un graffe sur les murs de Toulouse, surtout si vous êtes du côté de la fac de l'Arsenal, il y a des fresques pas loin des parkings. Et donc on peut dire que cet art urbain a trouvé sa place dans notre société et c'est devenu un art à part entière avec ses artistes reconnus tels que Miss Van et ses poupées voluptueuses. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un mouvement qui est né à la fin des années 60, donc c'est pas si récent que ça. Bon, bien sûr, c'est né aux États-Unis, ça c'est pas très surprenant. Et c'est arrivé en Europe seulement dans les milieux des années 80. Et donc, c'est un art qui s'est développé, malgré lui, dans des lieux inappropriés. C'est vrai que c'est un art de provocation et de message d'expression libre. Malheureusement, il reste hors la loi, car il rentre dans la catégorie des dommages à propriété, comme quand il dégrade des lieux publics, des trains. On a vu beaucoup d'affaires là-dessus. Alors, sur le site internet, donc L322-1, vous pourrez trouver donc tout ce qui concerne l'histoire du graffiti, de sa philosophie, les artistes et leurs œuvres, car ce site a l'avantage de répertorier donc les photos de graffiti et de fresques prises dans les rues de Toulouse. Donc c'est très complet, on peut remarquer plusieurs styles de graffiti, les visages, les lettres, les fresques, donc tout ça est répertorié sur le site. Et vous trouverez également donc les liens qui vous mèneront donc dans l'univers du graphe et des graffeurs, donc des sites de graphe pour ou comment trouver le matériel nécessaire, l'ensemble en tout cas de tout ce dont vous avez besoin pour en savoir plus sur le domaine, si vous voulez vous y mettre ou pas. Donc si vous avez repéré des graphes qui ne sont pas présents sur le site, vous pouvez les signaler ou les prendre en photo et les envoyer par mail, donc au mail suivant l3221@free.fr. Vous pouvez les envoyer en format JPEG, je dis MP3, c'est n'importe quoi. Un JPEG, ça convient tout à fait. Ou GIF, voilà. Donc, voilà, pour les Graffiti, donc allez sur le site, il ne faut pas mettre des 3W, c'est directement l3221.free.fr. Bon, à présent, on va parler des Malpoli. Alors, comment les présenter en quelques mots? Alors, on peut dire que ce sont c'est de la chanson française, ironique, décalée, avec des textes qui se calquent sur les sujets d'actualité, mais toujours avec un point de vue impertinent, un peu provocateur. Alors, ça a commencé par le duo Stéphane et Pierrick en 97, qui par la suite a été rejoint par André en 99. Donc actuellement, c'est un trio guitare-batterie. Donc déjà 4 albums à leur actif. Ils tournent sur toute la France pour faire partager leur univers provocateur. Peut-être les avez-vous vus à Toulouse, aux Bijoux ou bien au Cri de la Mouette. Alors, on peut voir cet univers provocateur, notamment, est très bien transcrit sur la pochette de leur dernier album intitulé « La fin du retour de la chanson ». Cette pochette, en fait, est un postiche de la célèbre photographie des grands Brassens, Brel et Ferré. Et je trouve qu'elle décrit clairement le ton de ce trio. Alors, le site internet, parce que ce sont quand même les bons plans du net, leur site internet donne accès à des extraits de leur album à télécharger gratuitement, mais également l'accès à l'achat en ligne de tous leurs albums, en général 12 euros l'album, ce qui n'est pas bon, ce qui est accessible. Vous pouvez également regarder des vidéos de leurs concerts et de leur passage sur TLT. Également, vous trouverez l'ensemble des paroles des albums et les partitions guitare de certains de leurs morceaux. Vous trouverez aussi l'explication, la réalisation du postiche de la pochette, justement, et aussi quelques détournements des yeux de presse, petites erreurs, ça vaut le coup d'œil. Vous trouverez également la chronique radio de Pierrick, qui lui aussi est chroniqueur dans une émission sur Radio Campus Toulouse. Vous trouverez tout ça sur le site internet www.lesmalpolis.com. Ils seront de retour à Toulouse fin janvier lors d'un concert au Bijoux. Et bon, je pense que ça doit valoir le coup. Donc, c'est un événement à ne pas louper. Donc, leur site www.lesmalpolis.com. Et pour terminer, je vais vous parler de Toulouse 2013. Alors récemment, vous avez dû remarquer le long de la rue Alsace-Lorraine, qui est toute belle maintenant, des photos de jeunes affichées. Et vous vous demandez peut-être à quoi ça correspond. Eh bien en fait, ce sont nos ambassadeurs, les ambassadeurs de Toulouse 2013 en fait. Ce sont des jeunes de 12 ans aujourd'hui qui auront 18 ans en 2013, si vous faites le calcul. C'est ça. Et donc ces jeunes vont représenter Toulouse dans leur quartier afin de récolter des voix pour justement promouvoir cette initiative. Alors, qu'est-ce que Toulouse 2013 Toulouse 2013, en fait, c'est la candidature de Toulouse pour devenir la capitale européenne de la culture cette année-là. Cette candidature qui est portée par le maire de Toulouse, le Grand Toulouse, le conseil général de Haute-Garonne et le conseil régional de Midi-Pyrénées prend forme à travers l'association Toulouse 2013, présidée par le maire de Toulouse et dirigée par Olivier Poivre d'Arvor. Donc les enjeux de cet événement sont principalement touristiques et économiques, bien sûr. Et cela permettra surtout de mettre en valeur Toulouse au niveau européen en tant que richesse culturelle et promoteur d'artistes en tout genre. À cette occasion, justement, demain, donc le 10 novembre, nous serons, sera organisée la Festa Tolosa. C'est un événement donc, qui commence à partir de 14h par des défilés qui partent un peu partout dans tous les quartiers de Toulouse et qui vont se rejoindre vers 17h30 place du Capitole. Donc ce seront des chars, des défilés d'artistes, des saltimbanques qui vont tous se retrouver place du Capitole pour présenter la candidature de Toulouse pour être la capitale européenne de la culture. Donc tout ça se terminera par un concert qui commence à 19h30 jusqu'à 23h. Donc un concert gratuit, bien sûr, place du Capitole. Pour clôturer cette journée qui mettra en avant justement les capacités de Toulouse à créer de l'événement, à promouvoir les artistes. Donc sur le site www.toulouse2013.eu, qui veut dire Europe, vous trouverez l'ensemble des informations sur la candidature de Toulouse, donc qui s'en occupe, comment ça se passe, voir pourquoi, quel est, comment dire, pourquoi ils ont mis en avant ces jeunes de 12 ans, la stratégie envisagée pour cet événement. Et également, vous trouverez sur le site internet le détail donc sur cette journée de la Festa Tolosa qui aura lieu donc demain, le 10 novembre. Donc voilà, vous trouverez toutes ces informations si vous voulez justement participer à des actions, adhérer, si vous voulez voter, donner votre avis, tout est sur ce site, www.toulouse2013.eu. Voilà, vous trouverez toutes les informations de la chronique sur le site internet www.indietis.com. Alors, j'appelle indieesis.com. Donc, vous retrouverez les graffitis, les malpolis, Toulouse 2013. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Bonne soirée. Bye bye.